de ceux qui aiment Dieu. Toute leur vie devient amen, merci glorieux. Bénédiction, tribulation, séparée, adoration, contemplation, continuelle. Cool, mec, yo. Abraham, Jacob, Joseph, Moïse, ils ont vécu ça. Yo. Et David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a connu ça. Yo. Jesus Christ, le Seigneur, il a connu ça. Yo. Le chemin qui conduit à la gloire éternelle est passé par la croix. Et tout homme qui l'emprunte se charge de sa croix. Papa. Tu es amour.